Si c'est nul, j'enlèverai la reverb. Alors, on va regarder combien il faut de mesures. Ça risque d'être un peu aigu pour moi. Non, je change. Ce sera toujours ça, les accords. Merde, j'ai raté. See. J'ai du mal, hein.